Dossier 6, voyage, voyage. Leçon 3, une capitale européenne. Phonétique. Activité 9A. 1. Le pot. 2. Le pont. 3. Le son. 4. Le dos. 5. Le rond. 6. L'eau. 7. Long. 8. Le mot. 9. Le mont. 10. Ils vont. 11. Il faut. 12. Ils font. 13. Beau. 14. Bon.